fais des trucs pas bien. Boris, est-ce que tu veux aller à ma place plutôt? Là-bas? Ouais. Donc, on va écouter le dernier intervenant. Je suis un peu désolée du retard qu'on a pris, mais c'est une séance quand même assez particulière. Il y a un peu de tension là, c'est le moment où vous pouvez rire. Hein? Super séance. Merci Jacques. Donc, alors bonsoir. Donc, je me représente Boris Barber. Je suis un des organisateurs du site Papier. Et deux remarques préliminaires, c'est que mes propos ce soir, d'ailleurs mes activités pour le site n'engagent absolument pas mon employeur ni les institutions dans lesquelles je travaille. C'est important de signaler ça. Certaines sensibilités sur la question parfois. Et deuxièmement, je suis britannique, donc je suis désolé, le débit d'information va baisser d'un cran. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, dites-moi. Donc je vais essayer de comprimer un peu. Donc je ne peux pas vous montrer les images, j'ai une présentation, mais bon, ce n'est pas grave. Vous avez vu le site pour certains. Je demande souvent qui a déjà entendu parler du site Papier. Donc là, c'est pas mal. Typiquement, ça ne dépasse pas 50% dans une salle scientifique, mais bon. Donc, le départ de Papier, c'est un constat que font beaucoup de chercheurs. Donc, je pense pendant leur thèse, première année de thèse, typiquement, on est en train de lire un papier et le papier n'est pas bon. Mais vraiment pas bon. Donc là, on ne parle pas de tout uniquement de la fraude, en fait, sûrement pas, enfin, souvent pas. C'est plutôt défaut de conception, une surinterprétation, un problème technique, des statistiques mal faites. Et en fait, souvent, on a tous une liste best-of des papiers qui n'auraient jamais dû être publiés. Et le site est né vraiment de la frustration, de l'impossibilité, en fait, de corriger ça. Donc, vous pouvez écrire à l'auteur, râler aux amis, rester dans les couloirs d'un congrès, écrire à l'éditeur, écrire au journal, écrire à l'institution. Dans la grande majorité des cas, il ne va rien se passer, rien du tout. Donc, vous êtes resté vraiment sur votre faim. Et ça peut être problématique si quelqu'un, j'avais toujours dans mon imagination un professeur qui essaie de s'instruire pour donner un cours, bon, qui croit les papiers qu'il lit, et en fait quelqu'un sait que c'est faux, mais il va enseigner ce que quelqu'un sait ce qui est faux, mais l'information n'est pas passée. Et donc, si on analyse un peu la situation, il y a des conflits d'intérêts à tous les niveaux. L'auteur, sous la pression aujourd'hui, et la plupart n'ont absolument pas envie d'avouer des fautes. Les journaux, on vient d'entendre, c'est les dernières choses qui les intéressent. Bon, c'est un constat qu'on peut faire aussi. Et les institutions, très souvent pareil. Donc, l'idée est venue, quelque part pas si révolutionnaire, de se servir de l'Internet pour court-circuiter tous ces conflits d'intérêts. Donc si vous avez une question, que ce soit mineure ou majeure, ou une expertise à apporter sur un article, vous pouvez le rendre public et le partager à tout autre chercheur intéressé, tout de suite, sans intermédiation, par ces acteurs un peu conflictés. Par contre. Donc ça, c'est la naissance du site. Donc, on peut discuter des papiers. Donc, Monsieur Andreotti a dit que c'est pas, y a pas mort d'homme. Mais on s'est rendu compte petit à petit que c'était quand même éventuellement sérieux. Donc, déjà, pour les carrières des chercheurs, parfois questionnés, ça avait une certaine importance, mais aussi pour les chercheurs qui allaient utiliser le travail. Donc, il y a de nombreux cas qui m'ont été racontés. Il y a une publication à fort impact dans Nature, une histoire superbe. Vous mettez votre thésard dessus pour essayer de corriger ça assez rapidement. Et après un an, 18 mois, ça ne marche pas. C'est la faute à l'étudiant, il faut fouetter un peu plus. Mais en fait, le résultat n'était pas bon au départ. Donc, il y a une carrière perdue, probablement, de Dazar en question. Votre contrat, vous n'avez pas de production à montrer. Et tout ça, c'est de l'argent du contribuable, bon, aussi de l'argent privé. Donc, en fait, il y a un vrai coût humain et économique à toute science qui n'est pas fiable. Donc, pas juste frauder, hein, c'est vraiment... dès qu'on lit quelque chose qui n'est pas vrai, ça peut poser des problèmes. Et il peut même avoir mort d'homme, en réalité. Donc, ce n'est pas un cas qui a été sur papier, mais prenez simplement le cas de Wakefield, qui affirme qu'il y a une association entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. Et donc, plus personne ne se fait vacciner, ses étudiants. Donc, il y a des épidémies de rougeole. Et souvent, c'est sans problème, mais il y a des complications. Je ne sais plus, 1 pour 1000, 1 pour 100, mais il y a des gens qui meurent. Donc, ça cause des morts. Il y a un autre exemple qui est encore plus frappant, que vous ne connaissez peut-être pas. Don Polderman, c'est un Hollandais qui a mené des très grandes essais cliniques sur un effet protecteur des bêta-bloquants. Donc, si on donnait avant, pendant, après des interventions chirurgicales, ça baissait la pression artérielle et protégeait le cœur. Donc, théoriquement, il y avait moins d'infarctus. Donc, à cause de la taille de ses essais cliniques et du fait qu'il était dans la Commission européenne, le comité européen qui donnait des recommandations, des consignes d'appliquer ce traitement étaient très suivies, très répandues en Europe, y compris aux États-Unis, pendant des années. À un moment donné, on s'est rendu compte que dans ces très grands essais, il n'y avait aucune donnée. Enfin, on a trouvé des records, des traces de dossiers de malades pour un des essais seulement, et ça ne correspondait pas à ceux qui étaient publiés. Donc, il a dû retirer ses essais cliniques, bon, il a été viré pour la méconduite, et donc les gens ont repris les données qui existaient dans le domaine sans ces essais qu'on avait mis en cause, et le traitement, donc les statistiques n'étaient pas ultra solides, mais la meilleure estimation, ce n'était pas que le traitement protégeait, mais augmentait la probabilité de mourir. Donc le cœur était en effet protégé, mais tous les autres organes en souffraient de la baisse de tension, probablement. Donc multiplier le taux de mort augmenté par le nombre de fois que ça a été appliqué juste dans l'Europe, on arrivait à un chiffre de centaines de milliers de morts avancées. Donc, un génocide assez respectable. Bon, donc, l'article qui a fait ce calcul a été retiré, mais vous pouvez faire le calcul pour vous-même. Hein. Le petit problème, c'est vous baser sur le chiffre d'opération qui vient de Polderman lui-même. Donc, c'est peut-être pas ultra fiable. Mais n'empêche, une opération, une intervention, une consigne, basée sur des données erronées, peut certainement mener à des morts avancées. Et devant ce type d'impératif, soudain, il nous a paru extrêmement important de partager de chercheur en chercheur tout questionnement, alerte, pas forcément étayé, mais c'est une question. Et ça peut sauver la carrière de votre thésard, sauver de l'argent du contribuable et peut-être même dans le domaine médical, sauver des vies. Donc à noter en passant que notre mission, donc, de permettre le partage le plus rapide possible entre chercheurs de questions de discussion, va totalement contre la manière habituelle de mener des investigations, où il y a confidentialité, silence imposé pendant des années. Donc pour votre thésard, c'est trop tard, peut-être pour la malade, c'est trop tard aussi. Voilà. Donc on a une mission de chercheur à chercheur. Donc ce qui fait la force du site, mais bien sûr aussi le point de loin le plus controversé, c'est qu'on permet l'anonymat. Donc on permet l'anonymat parce que sans l'anonymat, sans cette protection, les gens ne commentent pas. Et les commentaires que les personnes anonymes déposent sont quand même intéressants et utiles. Donc, c'est un compromis raisonné. Je vais vous décrire les garde-fous qu'on a mis en place, le système qu'on a trouvé. Le système n'est pas sans faille, mais dans la pratique, de notre estimation, c'est pour ça qu'on le maintient, ça marche bien dans la pratique. Donc, c'est pas sans faille sur la théorie, mais ça marche bien dans la pratique. Donc, les garde-fous, le premier, c'est qu'il faut que les commentaires soient vérifiables ou falsifiables par autrui, par un tiers. Donc, on ne peut pas mettre de lui-dire. Donc, ça, c'est interdit. Donc, on ne peut pas dire « Mon ami travaille dans le labo et il trichait ». Éventuellement, si on signe, on va réfléchir, mais de manière anonyme, impossible. Donc ça, ça n'arrive pas. Il faut que le commentaire soit logique, factuel, mais malheureusement, ça peut être faux. Donc on n'a pas vocation, ni expertise, capacité de tout vérifier. Mais comme j'ai dit, dans la pratique, la précision des commentaires, je pense, est remarquable. Donc quand ça a été mis à l'épreuve, dans, par exemple, un procès aux États-Unis, on n'a pas eu de problème. Donc ensuite, les auteurs sont quasi toujours, on essaie toujours de le faire, alertés tout de suite. Donc ils peuvent répondre au même endroit, tout de suite, avec la même visibilité, et c'est attaché. Donc c'est pas comme une calomnie dans le Sun en Angleterre, où après un procès et un an après, vous avez un petit démenti sur la page 3, vous pouvez répondre au même endroit si vous voulez. Pour dédramatiser un petit peu, c'est TripAdvisor pour la recherche. Avec une amélioration majeure, c'est que les commentaires sont falsifiables ou vérifiables, ce qui n'est pas du tout le cas sur TripAdvisor. Vous allez dans un petit hôtel en province et vous dites qu'il y avait des cafards dans la salle de bain et les draps étaient pas propres. Personne ne peut vérifier, mais c'est mortel pour l'hôtel. C'est plus fréquent à Paris. Surtout dans le barème du Sénat, ça je peux vous dire. À la fin. Donc il y a aussi... En plus, une certaine surveillance par les utilisateurs du site. Donc souvent, ils sont les premiers à répondre quand il y a un commentaire qui est faux ou mal étayé. Maintenant, ils sont très réactifs. Les auteurs sont encouragés, ont le droit de montrer les données sources. Donc il faut dire que 95% des discussions un peu amères, aigries, litigieuses, pourraient être... régler instantanément si on montrait les données sources. Donc, dans 90% des cas, les auteurs décident pas de le faire. Donc, pour les très vieux papiers, peut-être ils les ont pas, mais sinon, ils le font pas. Donc, c'est leur choix. Et aussi, il faut noter qu'on est dans une période de transition. Donc, comme fait M. Voynet maintenant, et comme nous ferons tous bientôt, on sera obligé de publier les données sources intégrales avec l'article. C'est une très bonne chose. Ça va avoir beaucoup plus d'effet sur l'intégrité de la science que notre site, je pense. Parce que ça le rendra caduque. C'est pas totalement, parce que les gens vont analyser les données et quand même trouver des choses. Peut-être d'autres styles, oui. Là-dessus, on est intégralement d'accord. Et c'est en amont, c'est en prévention, c'est pas un flicage par ses pairs ou autre, après tout. Dernière remarque là-dessus, peut-être, c'est la publication, mine de rien, c'est rendre public. Il y a un engagement de l'auteur sur le contenu, la véracité, la qualité, et c'est un choix de l'auteur. Donc, si on veut pas que ces données soient discutées, on n'a qu'à les garder privées. Il y a vraiment, c'est très simple. Et c'est d'ailleurs un peu ma politique, je publie très peu. Donc, ma carrière scientifique marche à moitié, mais bon, il y a moins à critiquer, voilà. Et j'ai pas de gel, donc c'est plus compliqué aussi, ça c'est sûr. Donc les statistiques, vous trouverez des erreurs sans aucun problème. Donc, disons, on est en amélioration constante là-dessus. Donc qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je regarde un peu... Donc, normalement, j'ai des images où je montre des best-of qui sont vraiment vraiment impressionnant. Best of ou worst of? Bah, ça dépend de son point de vue. Donc, il y a un joli exemple de... Donc, j'ai dit qu'on admettait l'anonymat parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui ne se faisaient pas sans l'anonymat. Et en fait, plus ou moins, ça a permis la sortie d'une classe de commentaires. Donc, ça existait avant, mais bon, notre site l'a rendu populaire, on peut dire. Justement de manipulation de figures, de microscopie ou de biologie moléculaire. Donc des choses qui sont tout à fait innocentes, donc découper une bande, coller ensemble des morceaux, parfois des commentaires, commenter sur le site, c'est totalement mineur, bon, c'est vraiment pas grave, mais jusqu'à dupliquer les bandes, effacer des bandes, là c'est, bon, je trouve que c'est jamais normal. Et donc, il y a eu une prise de conscience que ce problème existait, en partie, via notre site. Et on peut constater que la réputation du journal, de l'auteur, de l'institution n'est aucune protection. Donc, j'avais des exemples des gens qui sont arrivés professeurs à Harvard avec des millions et des millions dans des contrats, des startups, sur un mensonge pur. C'est le cas d'Inverser qui a été discuté récemment. Donc il est possible d'aller très très loin, ou il était possible d'aller très très loin sans vrai résultat. Donc, bah, on est... presque fini. Donc, il y avait juste un autre exemple, un papier récemment qui relançait un peu des doutes sur des vaccinations. Donc là, c'est l'aluminium dans l'adjuvant qui, soi-disant, était à nouveau lié à l'autisme. Et il y a eu des tentatives de riposte scientifique. Bon, ça prend pas très bien souvent chez les gens qui sont influencés par ce type d'article. Et en fait, un de nos commentateurs aguerri, après une autre démarche, il a regardé les gels de papier, et donc quelques semaines seulement après la publication, il avait démontré que la moitié des gels étaient dupliqués, falsifiés, et le papier était retiré. Donc si on compare au papier de Wakefield dans l'Inset, ça a mis 12 ans pour être retiré, donc il y avait un temps de créer des dégâts importants, et donc c'est un exemple de ce qu'on imagine le meilleur de notre site, une réaction rapide venant de n'importe où dans le monde qui alerte les gens sur un vrai problème dans un papier. Donc c'est une question de semaines et pas des années. Donc, papier existe, je pense qu'on est là pour du bon. C'est un outil qu'il faut toujours évaluer pour soi-même. Donc, le volume de commentaires reste petit, ils sont très ciblés. C'est pas compliqué de lire un commentaire sur un papier qui vous intéresse. On vous dit, c'est pas forcément important le commentaire, c'est pas forcément vrai. C'est pas du tout qu'un commentaire est équivalent à une allégation étayée de fraude, mais le commentaire peut vous être utile. Donc, lisez-le. C'est peut-être un point méthodologique, c'est peut-être quand même le commentaire qui va sauver la carrière de votre thésard. Donc, c'est ça le but. C'est aussi probablement un lieu de discuter, de permettre l'émergence de manière assez déstructurée, il est vrai, mais quand même permettre l'émergence de comportement, de méthode, donc de présentation de gel, je pense qu'on a un peu influencé le statu quo. On peut commenter des preprints, donc on est tout à fait compatible avec un monde sans journal si l'on était besoin. Et je voudrais juste rapidement mentionner un site sœur qu'on a lancé, qui s'appelle Periodicals, donc avec deux E, le petit jeu de mots. Et là, c'est votre vitrine de faire mieux que les journaux. Donc vous pouvez faire un journal virtuel à vous-même. On sera à 21h. Quelques minutes. Donc vous pouvez sélectionner les articles ou preprints qui vous intéressent et qui vous semblent importants, nouveaux, anciens, expliquer pourquoi ils sont importants et en fait sélectionner pour vous, pour vos suiveurs, la meilleure de la recherche. Voilà, donc ça c'est un côté un peu plus positif. Donc tout alimente notre base de données, tout est recherchable. Et je mentionne en passant qu'il faut que vous installiez tous notre plugin qui permet de vous alerter sur des articles discutés quand vous visitez une page où il y a l'identifiant de l'article. Sinon, c'est transparent. Donc, je vous remercie pour votre attention. S'il y a le temps de quelques questions, je suis à le prendre. On va le prendre. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. La question, c'est est-ce que vous avez cartographié un peu les zones, les domaines dans lesquels justement les commentaires sont un peu problématiques ? Alors pour l'instant, c'est très majoritairement biomédical. Donc il y a un peu de chimie, on trouve un peu de management science, enfin, mais c'est biologique, en partie parce que souvent c'est des images. Il n'y a à peu près pas du tout de mathématiques parce que de toute façon tout est dans le papier. Très peu de physique parce qu'ils ont déjà l'habitude de se battre sur l'archive. Donc biomédical pour l'essentiel. Mais s'il y a un DOI... Parce qu'on travaille bien. S'il y a un DOI, il y a quand même la contrainte du mécanisme aussi en physique. Donc effectivement, mais s'il y a un DOI, vous pouvez mettre un commentaire. Voilà. Théodore Herpion, journaliste à New Stand. Je voulais savoir si vous pouviez revenir sur comment vous avez traité le cas de Leonid Schneider sur Podpeer. Je crois qu'il s'était plaint de censure. Il se plaint de beaucoup de choses. Je sais. comment vous avez géré ce cas un peu hors d'ordre ? Donc, les commentaires qui sont... Donc, tout commentateur peut être soumis à la modération. Donc, les premières fois qu'un compte anonyme dépose un commentaire, c'est systématiquement modéré. Donc, si on prend confiance en un compte, on passe sur ce qu'on appelle le grey list et pas white list. Donc, white list et pas grey list. Donc, si on est grey listed, il y a modération préalable. Si white listé, il y a éventuellement une modération après coup. Donc, c'est très facile de basculer de l'un à l'autre. Et on n'est pas d'accord sur Léonide sur l'interprétation de ce qu'on peut mettre sur le site. Donc, assez systématiquement, il se retrouve sur le grey list et les commentaires sont regardés avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas commenter et surtout, s'il commente de manière anonyme, on ne peut pas savoir que c'est lui-même. Donc il n'est pas interdit et de manière générale, on regarde le contenu du commentaire et on se facilite le travail en triant à qui on fait confiance, mais on regarde le contenu, pas le commentateur. Voilà, pas de procès d'intention. Il y avait une question ici, puis ensuite une question à nouveau. Bonsoir, je suis désolé, je ne vais pas intervenir sur votre communication, mais juste pour donner une information générale. Oui. Je suis Pierre Ouzoulias, sénateur de l'Essène, vice-président de la commission de la culture au Sénat. Par ailleurs, je suis chercheur au CNRS et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. D'accord. Et l'information que je voulais vous donner, c'est que la commission de la culture m'a confié hier un rapport sur l'intégrité scientifique. C'est un sujet politique qui est ouvert et auquel le Parlement va s'y intéresser. Et dans ce cadre-là, je suis bien évidemment, si vous pensez que je peux vous être utile, à votre entière disposition pour suivre ce débat et essayer d'apporter des réponses politiques. Je connaissais un peu le problème. Quand je vous ai entendu ce soir, je me demande si j'ai vraiment eu raison d'accepter. On est deux. On verra ensemble. Si on déconne, j'espère que vous serez bienveillants. Merci. On est deux. Il y avait une question d'Emmanuel Didier, une de David Larousserie et une autre. Comment vous expliquez le fait que vous soyez deux, principalement deux anglo-saxons installés en France qui étaient en Europe ? Là, c'est N égale 2. Donc, j'étais pas fondateur. Donc, en fait, j'ai rejoint informellement le site assez rapidement après son lancement, mais officiellement qu'avec la création de la société à but non lucratif en 2014, je pense. C'est le hasard. Comment réagissez-vous à la commission du président du CNRS qui indique à ses chercheurs de ne pas répondre aux allégations sur le papier ? Alors, ma réaction, c'est qu'il y a une obligation de réserve et je ne vais pas réagir, David. Mais il y a une jurisprudence. Bien tenté. Justement. C'est la dernière question de... Bon, ben alors... Vous avez dit qu'on n'est pas obligé de publier des données sources. Oui. Même pour les huiles du CNRS. Parce que dans cette affaire, alors, c'est prospectif, c'est pas rétro-prospectif. C'est pas rétroactif, pardon, c'est prospectif. Donc, les nouvelles publications, il y a de plus en plus de journaux dans lesquels on doit s'engager à donner accès, voire les publier directement. Et au passage, il y a un point d'attention particulier, c'est un domaine un tout petit peu différent. La publication des données sources, les journaux du coup tendent à faciliter pour les chercheurs la publication des données sources. Venez donc, mettez-les sur notre serveur, nous avons des serveurs à vous proposer. Il faut faire super attention à ça, il faut que les institutions mettent en place des serveurs pour que, après avoir perdu les publications, on ne perde pas les données. Merci à vous tous. On se retrouve le 14 février donc pour une séance sur l'internationalisation. Il y aura un transcript, comment ça marche? Non, je le mets sur le site internet. Non, un blog. Tu peux l'avoir à l'avance.